Agathoclès, ou Lettre écrite de Rome et de Grèce, de Madame Caroline Pichler, née von Greiner, dans la traduction d'Isabelle de Montolieu. Lettre première. Calpurnie Pisona à Sulpici Anicia. Rome, décembre 300. Rien n'a donc pu te retenir, ma chère Sulpici. Tu as persisté dans ta bizarre idée de quitter Rome dans le moment le plus brillant, pour aller t'enterrer pendant cette saison orageuse et nébuleuse dans ta solitaire villa de baie située au bord de la mer. Comment est-il possible de renoncer aux fêtes et aux réjouissances des Saturnales pour vivre dans la retraite, absolument seul? Seul, Sulpici. Ah, plutôt Dieu que tu fusses seul. Laisse ignorer à tes ennemis, et même aux indifférents, ce qui t'attire au milieu de l'hiver dans cette solitude, et les charmes qui l'embellissent à tes yeux. Mais que tu m'en fasses mystère à moi si bien accoutumé à lire dans ton cœur, à connaître chacune de tes pensées, voilà ce que je ne puis te pardonner. Crois-tu donc que j'ignore qu'avec un seul mot, je pourrais te dire tout ce qui remplit ce cœur trop sensible, et l'histoire de ta vie, et le secret de ta retraite, et que si tu lis ma lettre en présence de celui qui si souvent est avec toi, une vive rougeur te fera paraître plus belle encore? Mais comme ce serait te rendre un dangereux service, je m'y refuse en ce moment. Qu'il te suffit de savoir que je suis au fait, que le mystère est inutile. En vérité, tu es plus rusé que je ne le croyais, et l'amour est un grand maître. Sous le prétexte des soins que ta campagne exige, tu obtiens de ton époux non seulement la permission de t'y rendre, mais encore des remerciements. Et pendant qu'il est à Rome, ne pouvant se laisser devanter sa femme, elle s'est procuré le moyen de voir tout à son aise le bien-aimé de son cœur sans craindre les importuns. Sulpici, je ne veux plus plaisanter. Cette affaire est trop sérieuse pour en parler sous un ton aussi léger. Comment n'as-tu pas pensé à quel point tu t'exposais? Comment as-tu fermé les yeux sur les suites de cette inconcevable imprudence? Tiridate, le voilà, ce mot magique. Tiridate est beau, aimable, vaillant. Son illustre naissance et les malheurs de sa famille augmentent l'intérêt qu'il inspire, et je conçois facilement combien il peut être dangereux pour une femme sensible, qui le compare sans cesse à un homme qui ne lui ressemble guère. Je comprends donc fort bien que tu l'aimes et qu'il t'adore, rien de plus naturel. Mais ce que je ne puis comprendre, c'est que dans ta position, tu risques ainsi le tout pour le tout. Qu'est-ce qui t'empêchait de voir tous les jours le prince d'Arménie dans ta maison? Ton mari s'honore de donner le nom d'ami au favori du César Galerius. Il s'en vante même, pour persuader que lui et ses amis ont le pouvoir de soutenir les projets du prince auprès des cours de Milan et de Nicomédie. Et lorsque Tiridate montera sur le trône de ses ancêtres, tu verras que ton époux fera sentir que, sans son crédit, rien de tout cela ne serait arrivé. Quelle raison t'a engagé à fuir? À te rendre actuellement à Baie, où ta liaison avec Tiridate doit être plus remarquée encore qu'à Rome même. Tu sacrifies ton repos domestique et ta réputation. Si ton époux jaloux, semblable à tous les hommes vains, apprend ce qui se passe dans sa villa, et cela est probable, puisque tes serviteurs en sont témoins, n'en sera-t-il pas furieux? Ne sais-tu pas qu'il en parlera de manière à te rendre la risée de la ville entière? Tu perdras infailliblement ton pouvoir sur lui, seule base de ta tranquillité, et ton retour près de l'homme que tu outrages ne te sera plus supportable. Tu penses peut-être à t'en séparer. Rien n'est plus facile à Rome. Mais ton père y consentira-t-il, lui qui est si orgueilleux de son alliance avec la famille des Anicius? Alors, quelle perspective, quel avenir s'offre à toi? Il est vrai que tu ne peux voir Tiridate à Rome, ni aussi souvent ni aussi librement que ton cœur le désire. Ton époux, ses amis, ta famille sont souvent présents. Mais c'est aussi la seule gêne que tu aies à redouter. Cette contrainte, n'en doute pas, Sulpici, anime l'amour et le rend bien plus durable. Elle ajoute mille charmes aux courts instants de liberté. Tu me taxes de légèreté. Tu me nommes épicurienne. Moi, je te dis que tu ne connais point la sagesse de ce système, ou bien tu fermes volontairement les yeux à la lumière. Une sage proportion de médiocrité dans les jouissances, de force pour renoncer à ce que nous aimons le plus lorsque la raison l'exige, voilà ce qu'on apprend à l'école d'Épicure, qui n'est pas à beaucoup près aussi frivole que tu l'imagines. À ta place, je ne serais point allé à Bay. Je me serais refusé les plaisirs qui m'y attendaient, et cela par politique. J'aurais préféré ne voir mon amant que plus rarement et avec moins de liberté, pour le voir toujours. Entends bien que je ne parle pas du grand avantage d'un amour toujours neuf, toujours animé par les obstacles, le désir de les surmonter et le charme du mystère. Tu vois, ma chère Sulpici, que je suis plus sage, plus prudente que tu ne le crois, et que cette légèreté dans l'esprit, cette froideur dans le cœur que tu me reproches à chaque instant, ne sont que l'effet de mes principes. Je te dirai même que je suis tout à fait stoïcienne. Tu rejettes à présent ces règles austères. Pour moi, je reconnais toute la vérité de cette maxime, qu'il faut se roidir contre le malheur et se procurer toutes les jouissances possibles lorsque le sort cherche à nous les ôter, pourvu toutefois que notre tranquillité n'en soit pas troublée, et que nos efforts pour atteindre le bonheur ne nous rendent pas plus malheureux encore. C'est là ce que je crains pour toi. Quant à moi, si j'aime une fois, ce qui n'est point impossible, je ne suivrai pas l'exemple que tu me donnes, et pour conserver mon amant, je sacrifierai même le plaisir de le voir. Mais à quoi servent toutes mes représentations? Que pourrait l'éloquence même de Cicéron contre la force des passions, dont je vois avec chagrin l'effet sur ma trop sensible amie? Ainsi, sans espérer que ma lettre puisse te convaincre, je me contente d'avoir rempli les devoirs de l'amitié en te donnant un avis salutaire, en t'assurant en même temps que, quelle que soit la suite des événements, mon attachement pour toi sera toujours le même, que je trouverai mon orgueil à ne jamais t'abandonner si tout allait mal, ce dont les dieux veuillent nous préserver, et que toutes mes forces ne tendront qu'à écarter de toi le malheur ou à tout partager avec ma Sulpicie. Adieu.